tous les gens de la terre au réveil, s'ils sont heureux n'ont qu'une pensée, qui leur met dans le cœur du soleil, pour le restant de la journée. Toujours, toujours, 24 heures par jour, c'est l'amour. Toujours, toujours, 24 heures par jour, c'est l'amour. Au bonheur qu'ils ont rencontré, jusqu'au soir ils sont comme des enfants, impatients de se retrouver. Toujours, toujours, 4 fois par jour c'est l'amour. Toujours, toujours, 24 fois par jour c'est l'amour. Moi je suis comme tout le monde et je reconnais que je pense à toi, à chaque instant tu le sais. On est jeune, on commence dans la vie, on ne doute jamais de rien. Quand on est tous les deux réunis, on est heureux et tout va bien. Toujours, toujours, 24 heures par jour c'est l'amour.